Nick Cave in the Baptiste. Excusez-le pas. Et puis, non, parce que je communique avant de vous parler, je communique avec moi-même. J'essaie de faire de l'introspection. Comment ça va, vous autres, en ce beau 8 mai 2023? Comment vous vous sentez? Ça sent l'été, hein? Ça sent les allergies. Ça sent le nez bouché, les yeux rouges qui picotent. Et puis, on dit souvent aux enfants, « Ton nez placote! Ton petit nez placote! Ça placote-tu, ça placote! Ton nez placote! Ah, c'est beau, ça placote, ce nez-là! » On va écouter qu'est-ce qu'il veut dire, OK? Papa va écouter ça, oui. Maman est pas là, ben non, elle est partie prendre son beau vril. Ben oui, avec... Ah, tu le savais? Non, c'est son voisin, c'est le voisin d'à côté, ben oui. Ah bon? Ton nez placote ou c'est ta bouche qui placote, là? Ils se sont embrassés, ouais, mais c'est... Ben oui, mais c'est entre voisins, hein? Comment ça... Non, sur la mouche! Ah, ben voyons donc, toi! Peux-tu faire placoter ton nez au lieu de faire placoter ta bouche? Tu les as vus s'embrasser. Pas avec la langue, mais voyons donc, toi! Aujourd'hui? Avant de quitter? Ben voyons donc, ça parle au petit enfant qui vient de me le dire. Ah ben... Papa va éclaircir ça. Non, il n'y aura pas de chicane. Il n'y a jamais de chicane. Ben, depuis quand il y a une chicane? As-tu déjà entendu maman puis papa se chicaner? On discute. Bon, des fois, le ton peut monter, mais ça s'arrête, hein? Ben, voyons donc. Nous sommes des gens civilisés. Oui, civilisés, ça veut dire que c'est des gens qui savent se maintenir, qui savent se contenir et qui suivent le décorum le plus possible. Qu'est-ce que ça veut dire le décorum? C'est la façon de faire, la façon de procéder selon les normes. Tu veux savoir, ouais, les normes, que sont les normes? Ben, les normes, c'est ce que la majorité des gens font. Ça, c'est la norme. Ben oui, hein, papa, il peut te répondre à toutes tes questions. S'il y a des mots que tu ne comprends pas, parce que papa, hein, il est aussi épais qu'un dictionnaire. C'est maman qui disait ça. Ah, c'était pour rire. Je me fâchais. Oui. Non, j'avais pas bu de la tisane, non. J'avais bu de la camomille. La camomille. Oui. Bon, ton nez placote-tu encore? C'est ta petite bouche qui placote. Ah! Depuis que je l'ai, là, c'est pas moi. Ben, enfin, oui, on l'a. Ça fait quoi? 6 ans et demi. Attends, 6 ans et demi. 5 mains plus un doigt et l'auriculaire. C'est 6 ans et demi. Ça, l'auriculaire, c'est la moitié. C'est moi qui ai appris ça. Elle commence à faire de l'humour. Oui. Ouais, non, mais Rénal Gagné, lui, c'est pas... Ouais, je sais que j'ai mis des affiches de... Ben, écoute, je veux l'encourager, tu sais, ça fait quand même presque 19 ans qu'il fait cette émission-là, hein, qui se réveille errant, puis qui vit errant, puis que la vie, s'il est encore sur la terre, c'est grâce à son émission. Il dit tout le temps, ben oui, papa le connaît très bien. Ben, il connaît papa, voyons donc, il l'a amené plusieurs fois à la maison. Oui, c'est le monsieur qui est drôle. Non, pas dans le sens de rigolo, dans le sens de bizarre. Mais, tu sais, la bizarrerie a toujours sa place. Peut-être que toi aussi, plus tard, là, on va te dire que t'es bizarre ou étrange. Mais l'étrangeté, là, c'est une marque de comment dire, donc, c'est tu sors du lot. Tu fais pas partie des moutons. Ben, pour papa, c'est un plus. Oh oui. Pour maman, non. Elle aime bien ça que tout le monde soit dans le rang. Quoi qu'elle était pas. Ouais, qu'elle l'embrasse. Mais je sais pas, là. Moi, oui, je sais que t'es pas en train de mentir. Tu mentiras pas à papa. Pardon? Ben oui, non, mais c'est parce que papa, des fois, il papote. Non, pas papoter dans le sens de. Non, dans le sens de. ils placent souvent des mots en avant d'autres, puis qui n'ont pas vraiment de sens, mais ça fonctionne à la sonorité. Quand tu étais petite, toi, là, tu faisais des sons bizarres. Moi, je trouvais pas ça étrange, c'est ta mère qui disait ça. Moi, je dis, mais non, au contraire, il faut l'écouter. C'est dans le prémisse qu'on comprend des choses essentielles de la vie. Les nourrissons nous apportent la connaissance importante de ce qu'on était et de ce qu'on sera. Il faut les écouter, comme dit Harmonium. Bien beau de mettre des enfants au monde, mais il faut bien s'en occuper. On dirait vraiment que Serge Fiori sort de ce corps. Non, je sais que sa voix, moi, la voix. Non, papa, c'est pas un imitateur. Non, c'est un déconneur. Un déconneur. Ah oui. Il aime bien ça, déconner. Il déconne. Comme disait mon ami, comment il s'appelle, lui? Déconner. On peut pas encore déconner. C'est mon ami, Sarc Loret. T'as connu sa petite chanson-là? T'aimerais-tu te l'entendre? Eh bien, voilà. Et puis, non, mais moi, je suis né de même, oui. Moi, je fais des chutes. Alors, des chutes de tension. J'ai commencé à faire de la fine couture. J'ai dit, pour un gars, faut refaire toute la... Tu sais, on est tellement ancré dans des choses là, qui sont plantés et implantés depuis des années. C'est-à-dire, un gars ne doit pas tricoter, ne doit pas faire de la couture. Ça, c'est les femmes qui s'en occupent. Nous autres, hein, on travaille dans les tuyaux, on remet les voitures en ordre. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Plein de choses, mais de mal. T'sais. Mais moi, au contraire, je veux casser le moule. Sans violence. Alors, je me suis mis au tricot et je me suis mis à la couture aussi. Ma mère a tricoté. Ah, elle tricotait serré. Ah, bon. Elle dit, moi, mes enfants m'ont tricoté serré. Ma vie m'a tricoté serré. Mon mari m'a tricoté serré. Puis, c'est vrai qu'on était quand même confortable dans ce côté strict. Dans ce côté, comment dire, presque... Non, pas claustrophobe, va pas trop loin. Et toi, là, le claustrophobe, c'est... Non. C'était bien moulu, bien moulé. Parce que moulu, c'est comme le grain de café moulu. Toi, t'aimes-tu ça fin ou assez grossier? Comme ton ancien mari, ouais, il était grossier. Ça, tu parles de Gérard? Ah, bon, Gérard, là, écoute bien, c'est bien avoir une grosse bédaine, là. Hein? Mais l'innocence, elle n'est pas obligée de venir après à cause de la grosse bédaine, là. La bédaine n'égale pas un délestement de l'intelligence. Bien beau délester, là, mais il faut protester. Parce que c'est nos oreilles qui absorbent tout ça, puis elle n'est pas toujours prête. L'oreille n'est pas toujours prête à prendre toutes ces informations comme saugrenues ou même dérangeantes, troublantes. Oh, oui. Angoissantes, oui. Pas passionnantes, non. Mais quand toi, Mireille, toi, quand tu parles, c'est vraiment ça nous fleurit dans le tympan de l'oreille. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit de l'oreille, parce que le tympan, c'est bien sûr dans l'oreille. J'ai jamais vu un tympan au niveau du pied. Quoique, ça dépend comment t'es... Ouais, non. Tu peux venir au monde, là, autrement. Il faut respecter la différence. C'est ça. Si tout le monde, si toute notre société serait capable, sans juger... Hein, mais là, le jugement, c'est-tu facile de juger quelqu'un, hein? Plus facile que ça, tu meurs. Quoique, il y en a beaucoup qui devraient... Hein, pardon? Non, je t'en parle... Pas du tout. Je suis pas en train de souhaiter non, de personne. Moi, je côtoie juste, on dirait que je fais partie d'un funérarium. Parce que mon entourage, là, c'est pas très, très vivant. Ah, mon doux. Hey, Raymond, j'ai peur d'y prendre la main parce qu'elle va me rester, tu sais, comme Thriller de Michael Jackson. Michael Jackson, Thriller! Ouais, je sais que j'ai la voix beaucoup plus douce que Michael Jackson. Il aurait dû me demander, moi, parce que ses cours de chant, là, ah mon dieu, puis toucher la montre, Seigneur. Lave-toi, tu la toucheras pas, là. Tu souffres de malpropreté? Bon, on m'a dit que c'est un style, une petite provocation. Hey, à côté de ça, Madonna, c'est quoi? Puis aujourd'hui, là, Circus, la belle Circus, moi je l'adore Circus, c'est quoi? Mel Circus? Mel à Mel Circus? Circus Mel Mel Mel Mel Mel Mel Mel Mel Mel Mel Mel Mel Mel Mel Mel Mel Mel Mel Mel Mel Si tu veux revenir à mon cœur, je rechercherai toujours ta splendeur. Oui, oui, ça s'arrête ici. C'est de, l'auteur, ben c'est celui qui vient de la chanter. Là. L'improvisation, ben ça ressemble un peu à ça, là. Ça ressemble un peu à ça, là. Hey, si je l'ai dit une troisième fois, je pense que le micro, je vais le garrocher au bout de mes bras. Puis si je le garoche, mais c'est pas un micro, c'est bien parce que c'est pas un micro sans fil. Donc, il y a un cordage. Mais ça peut quand même briser ma télévision qui coûte au moins 25$. Je l'ai acheté, elle m'a vous expliqué avant. J'ai acheté cette télévision-là, bien sûr, c'était. Elle n'est pas neuve. Elle n'est pas neuve, donc elle est d'occasion. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller dans un magasin où on vendait, où on vend toujours des produits pas très chers. Moi, je ne fais pas mon marché, là, mais c'est très bon. Le marché, je ne sais pas, là, on peut appeler... Bon marché? Ouais, OK. Et puis, c'est une tentative de mots qu'on essaye de glisser pour faire quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné. Ça peut arriver. On est dans un atelier d'improvisation depuis le début. Fait que il y a des choses qui collent, d'autres qui ne collent pas. Puis même si ça ne colle pas, on va essayer de racoler tout ça. Ça fait que... Il disait, oui, il a été acheté une télévision, mais tu sais, la télévision, 14 pouces. Noir et blanc. Deux belles antennes, tu sais, comme dans les années 60. Puis là, mon oncle Renal était affolé. J'étais avec lui, je disais, hey, les rangs, viens-t'en, on va s'acheter une télé. Il dit, ben moi, je veux pas acheter une télé, moi, je suis un gars de radio, je suis pas un gars de... Ah, c'est vrai. Mais viens avec moi, parce que je sais que t'as toujours, tu sais, la petite idée là, qui va me faire titiller vers ta vision de la chose. Fait que là, j'amène Renal Gagné, tu sais, et puis là, entre deux émissions, tu sais comment il est, c'est un gars de radio, fait qu'il est toujours appelé de faire des rencontres radiophoniques, puis un peu partout, là, puis il y a des auteurs, compositeurs, interprètes, des peintres, des gastronomes, des vrais, bon, tout le monde de la colonie, là, veut rencontrer les rangs, fait que là, peux-tu prendre quelques secondes de ton précieux temps, tu sais, t'es pas n'importe qui, là, il dit en même temps, voyons donc, là, je reste calme, mais c'est vrai, t'es calme. Mais, c'est juste pour acheter une TV. Puis toi, je sais que t'as un scooter électrique. Ouais, mais une télé sur un scooter électrique, il commençait un peu à trépasser. Tu sais, il stressait. Je dis, ouais, non, pas la grosse télé. Moi, là, regarde, je n'ai pas les moyens financiers, puis de un. Puis je veux revenir aussi. Je suis un peu rétrograde. Puis j'ai rien contre les rétrogrades. Bien au contraire, j'en fais partie. Je suis heureux. Hey, je vais vous expliquer un peu. Renal Gagné, celui qui m'a amené, là, les rangs rénaldiens, m'a amené pour la télévision. Et puis, lui, il avait un vieux flip-flop, tu sais, c'est... Oui, les cellulaires flip-flop, c'est ça qu'il y avait. Mais là, il te l'a raconté, hein, mais là, comme il y avait un problème avec son Internet dans un magasin, comment dire, Cimerdétique, quoi, ouais, Cimerdétique, c'est très merdétique, ah, c'est merdétique. Ça sent presque la merdétique. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est juste réanimer son compte qui était fermé dans le plus grand magasin cybernétique au monde. Je peux pas vous le nommer, là. Ça commence par A, puis ça finit par ON. Ah, ON. Mais mon Dieu Seigneur, eux autres n'écoutent pas CKRL souvent, hein? Il y en a trois, là. La majorité, c'est merveilleux. Là. Ils ont compris, ils ont montré la carte. C'est exact. Vous avez raison. Mais l'autre, de côté, là, hey, monsieur, prenez une gorgée de thé ou de café, mais faites quelque chose. Là, vous semblez louche. Puis j'ai rien contre ça. Mais là, il s'en vient avec moi. On s'en va chercher à la télévision. Ouais, puis là, pour dire, là, il a dû s'acheter un téléphone intelligent juste pour cliquer. Parce que quand il faisait ça sur son Internet, ça allait sur son vieux téléphone. Puis là, le vieux téléphone, il pouvait pas cliquer avec son doigt puisque c'était un flip-flop. Puis là, aujourd'hui, ça, il a le modèle. Là. HP, comment ça? XL, gros format, là. extra large. C'est tellement gros qu'il se met ça sur le dos. C'est pas un sac à dos qu'il a sur son cellular XL. Il se promène. Mais il fait pas le bruit, mais il a de la misère à passer. Que les gens se tassent. C'est quoi ça? Il dit c'est nouveau cellulaire là, qui existe. Là. Hey, c'est bien gros. Oui, c'est XL. Là, il essaie. Puis quand ça sonne, il est obligé d'enlever ça. C'est une courroie. Il enlève la courroie. Il prend le cellulaire de la main. Puis là, c'est lourd, là. C'est quoi? C'est 6 pieds par 4 pieds, cette affaire-là? Fait que là, il... Ah, mec, je sais pas. Moi, j'étais à l'ancienne. Ah, mon doux. Moi, je fais mon cipaille à l'ancienne. Je fais mes burgers à l'ancienne. Puis même à l'ancienne, on disait on dit pas burger, on dit hamburger. Mais là, aujourd'hui, on doit dire burger. On fait des burgers. Voulez-vous manger des burgers? Combien de boules? Ah, ben écoute, moi, c'est comme un crème glacée. Hein? C'est 2 boules. Toujours 2 boules. 2 boules. Moi, moins de 2 boules, là, c'est... De un, c'est de l'arnaque, parce que je crois toujours que quelqu'un pouvait faire 2 boules, mais comme il voulait économiser, il nous a fait 1 boule, fait que c'est 2 boules. Ah ouais, amène-moi 2 boules, là, puis 2, pas trop grosses, parce que moi, c'est bien beau les boules, là, mais quand j'ai ça, tu sais, quand t'es triste dans la vie, tu dis à ta compagne, excuse-moi, là, j'ai des boules. Pis là, si je veux se presser sur le bouton, pourquoi ça, ça pour pas? Hey, je t'ai payé, toi, vas-y! Hey, essaye, viens! One moment gone. One moment gone. One moment. One moment gone. One moment gone. One moment. One more man gone. One more man gone. One more man is gone. The good son walked into the field. He is a tiller. He has a tiller's hands, but deeper down in his heart now, he's laid down queer plans against his brother and against his family. Yet he worships his brother and he worships his mother, but it's his father he says. Is an unfair man. The good son, a good son, a good son, a good son. And often wept beneath the malign star by which the good sons kept. And the night time in which he's wrapped speaks of good now, and it speaks of evil. And he calls to his mother, and he calls to his father, but they are dear in the shadows of his brother's truancy. The good son, the good son, the good son. And he curses his mother, and he curses his father, and he curses his virtue like an unclean thing. The good son, the good son. j'adore cette chanson parce que ça amène la transe. J'ai une histoire qui raconte, parce que là c'est Nick Cave que l'on a entendu avec son groupe Nick Cave and the Bad Seeds, non, avec le groupe Bad Seeds. Et il y a une histoire parce que le groupe s'est retrouvé à un moment donné dans des festivals, vous savez, hein, des tournées, des artistes. Vous en avez fait des tournées, vous autres? Eh bien, moi, Gaétan Brisebois, pas vraiment. Là, moi, je suis garagiste. Des tournées, j'en ai fait pour réparer quelques voitures, là, parce que j'ai été, je sais pas si tu connais ça, toi, le Wampas and the People, qui se trouve à Drummondville. En fait, c'est des courses de voitures, puis quand ça brise, là, t'as pas de temps pour... en fait, c'est très rapide, puis tu dois réparer ou essayer que ça roule encore pendant 2 heures, parce que là, ça dure 120 minutes devant des vieilles minounes. Là, je parle pas des minounes, pas les vieux chats, là, mais les vieilles voitures. Et puis, pour pas dire autre chose. Et, non, parce qu'on peut pas dire autre chose. Non, parce qu'on respecte les minounes. Et puis là, nous, ce qu'on fait, c'est que, un peu comme la course automobile, bon, la course, tu connais ça, la course automobile? La F1, on appelle ça la F1 dans le milieu. La course automobile, F1, ça n'a rien à voir avec le bingo, là, c'est pas B1, c'est F1. Parce qu'il n'y a pas de F1 au bingo, hein, c'est parce que c'est B-I-N-G-O bingo, c'est pas F-I-N-G-1, après ça, ça ferait Fingo. Puis là, le monde, là, Fingo, je me fais avoir, fait qu'il ferait en tout cas, un doigt levé. Mais là, ça ressemble un peu à ça aussi, moi, parce que quand il y a la course en question de 120 minutes, toi, tu dois le plus rapidement possible essayer de trouver le problème, de le colmater, pas de le réparer, de le colmater pour qu'il puisse repartir aussi vite pour être dans les 3 premiers. Parce que c'est les 3 premiers qui ramassent le magot. Là, le premier prix, puis là, ça divise, il divise avec, moi j'ai 20% de ça là, 200 000 piastres divisé par 20%. Si c'est deuxième, hein, c'est comment j'ai dit, 20 000, ok, c'est 10 000. Puis si c'est troisième, malheureusement, ça descend très rapidement, c'est 2 000 piastres. Fait que 2 000 piastres sur le pourcentage, c'est un peu pas grand-chose. Donc, faut que tu le colmates rapidement. Faut que tu comprennes ton véhicule. Donc, c'est moi qui l'ai monté. Je veux dire, pas comme un cheval. Je monte pas le véhicule. Oui, je le monte avec des outils, pas avec ma personne. Il faut toutes les... Non, mais il faut être toujours intellectualiser. Non, parce que ça vient d'intellectuel. Ben voyons donc, intellectualiser, ça vient pas de limonaliser, là. Limonaliser, ça vient de limousine. Puis c'est un mot qui n'existe pas, qu'on vient de faire à ce soir. Quoi, il est minuit quelques. Et puis on vient d'inventer un mot qui sera jamais à l'ordre du jour au niveau de la langue française, que ce soit au Québec ou en France, ou même en Belgique. Je sais pas s'il y a une langue française en Belgique, sans doute. Et en Suisse, c'est peut-être possible. Mais en tout cas, on parle des deux langues françaises, là. Mais même en Afrique, il doit y avoir des langues françaises, hein, la langue française en Afrique. Un genre d'office de langue, là. Ouais, c'est pas ça, hein. Moi, je sais, je respire comme si j'étais un... Mais j'aime ça entendre ma respiration pour montrer aux gens que c'est pas un ordinateur. Tu sais, quand tu vois sur Internet, là, ça, c'est imbécile. Ben, pas imbécile, mais on est rendu là. Puis même... Non, je ne parlerai pas parce que ça va me faire pomper. Ben oui, ils font des... la personne, ils prennent une photo. Ah, j'en parle pas. Non, j'en parle pas. Et non, c'est bien, hein, de... Je m'auto-censure. Je m'édulcore. Trouves-tu, ma chérie, que je m'édulcore? Ouais, mais t'es rendu noir et blanc. Non, édulcoré, c'est pas ça. Ça vient pas de colorer, ça vient de se maintenir pour... disons, enrober la situation d'une manière moins brute. Hey, c'est pas pire, ça. Hein, c'est-tu pas pire? Ouais, mais c'est pas pire, mais surtout pas mieux. Ah, wow! Femme ou fille? Ah oui, je voulais vous faire ça, juste pour rire. OK, parce que c'est avec... seul temps de rigoler un peu. Parce qu'errance rénaldienne, c'est le but, là. Hein? C'est de se lâcher l'os. Alors là, il y a ça. Écoutez bien ça. OK. Oh, OK. Oui, c'est là. Où est-il? Pas dans le micro! Il est dans le micro! Qu'est-ce qu'il fait là? Il est resté coincé? Il s'est réduit! En autre moment, il s'est auto-réduit! Il s'est auto-réduit! Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh! Là est la question! Hey, y a-tu des intrigues à mon émission? Sit by the river. Here's not the water. Sit by the river. Here's not the water. And just wait. We'll be right back. le 5 juin, j'ai décidé de me faire plaisir. Ben, pourquoi pas? C'est mon émission. Alors, comme mon anniversaire, c'est le 2 juin, mais comme c'est malheureusement pas, je ne diffuse pas à ce moment-là, j'ai remis ça pour le 5. Donc, l'intérêt, c'est celui-ci. Je présenterai dans la première heure les chansons que j'adore. Là, il y en a tellement, puis je vais en oublier, je le sais, puis il y a des gens qui vont dire « Ah, pourquoi t'as pas... Ben, c'est certain que je dois choisir. » Bon, donc, Nick Cave and the Baptiste, certaines pièces que j'ai entendues là, je les adore. Bon. Mais ils ne seront pas là, parce qu'on vient de les entendre. Il y en a d'autres qu'on va peut-être entendre, mais que je vais placer aussi. Donc, c'est un petit cadeau que je me fais en ce 5 juin. C'est-à-dire dans plusieurs dodos. Là, on a le temps, on a le temps. On a le temps d'avoir des rhumatismes, si c'est possible, le moins possible. Et puis, on a le temps aussi de récupérer nos années passées, d'essayer de les relater à travers un bouquin qu'on va... Non, mais c'est bien de s'acheter un petit livre, là. Mais pas d'écriture, c'est toi qui l'écris, c'est toi qui le rédige. C'est intéressant, ça, là. Un cahier aligné, ça, là. Ça peut être... Mais je te conseille aussi page blanche. Parce que tu peux écrire et faire des dessins. Ça, c'est beau. Ça montre toute ta créativité d'être humain qui est passé sur Terre pour quand même laisser une trace pour toi ou tes amis ou tes enfants ou ceux qui ont cru en toi ou qui sont bien contents que tu sois parti. Mais il y en a qui sont contents qu'on parte, là. Je ne sais pas s'ils vont des gens qui disaient « Hey, il dit, t'attends-tu de la mortalité, toi, là, là? » Il dit, non, mais j'en souhaite, en s'il vous plaît. Oh, attends un peu, on va recommencer. T'attends-tu, hein? On a entendu la sonnette qui scintille à chaque fois qu'on trépasse. C'est la petite ton. On l'entend. Alors, attends-tu ça, toi, des morts? Il dit, non, mais j'en souhaite, en s'il vous plaît. Et voilà. Ça fait pas, non, ça fait pas professionnel, hein? Parce que vous saviez un peu à quoi j'allais... Dans quel sentier j'allais parcourir ma phrase. Donc, on peut dire que c'était un peu prévisible, mais pas vraiment prérisible, parce que c'est pas drôle. C'est pas drôle, on rit bien, mais c'est pas drôle. Ah, bon, Seigneur. Le temps passe et trépasse dans un monde d'angoisse. Oh! The sun go down. And see the women weeping there. And then go up into the mountain. The men they are all weeping too. For the why are all the women weeping? They are all weeping for. face it seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I heard you so much. This is a weeping song, a song in which to weep while we rock ourselves to sleep. This is a weeping song. Non, mais il faut que vraiment que je dise, excusez-moi, parce que le fil était coincé. Il faut vraiment que je dise d'où vient cette rencontre-là avec Nick Cave. J'avais un coloc dans les années, dans les années où j'avais 17-18 ans, qui s'appelle toujours Eric Aubry. Et il adorait la musique. Et lui, c'était The Smith, Nick Cave, The Nostro The Trees, tout cet univers-là, The Fall, le punk, enfin. Et puis, comme on était coloc parce que je l'avais invité à. Il restait à Lévis, donc je disais, viens-t'en, toi, là, tu vas au cégep Limoilou, puis moi, je reste à Charlebourg. Viens-t'en, puis on a resté ensemble un an et demi, deux ans. Puis ce garçon-là, à un moment donné, il me dit, oh, je sais pas, là, j'en ai ras-le-bol, il faudrait que je fasse quelque chose dans ma vie. Je garde, hey, on va s'en aller en France. On va faire le tour de l'Europe. On devait faire quoi, le tour de l'Europe ou le tour du monde? En tout cas, je pense, le tour de l'Europe, pas du monde, là, mais j'ai dit. Là, je sais, je m'excite là, parce que c'est du passé qui n'est pas vraiment dépassé pour moi. J'ai dit, écoute, on va faire le tour de l'Europe. On va prendre une année là, sabbatique, on travaille à la même place. J'ai dit, on s'en va là. Puis là, il dit, ah ben ouais, là, j'ai comme titillé. Puis là, il connaissait des gens qui restaient à Champion, en Champagne, à côté de Reims. Connaissez-vous ça, Reims? Il n'y a rien à voir avec Reims et le Gorgoton, mais en tout cas, Reims, c'est la plus vieille ville en France, Reims. Et puis, donc, on est parti là, c'est lui qui m'a fait connaître, pour revenir à Nick Cave, c'est lui qui m'a fait connaître Nick Cave et plein d'autres chanteurs. Aujourd'hui, je suis autodidacte, et puis, avec Internet, on peut s'alimenter. Puis, lui, depuis, moi, j'ai fait connaître d'autres personnes qui savaient pas, qui connaissaient pas leur existence. Alain Bachung, Gainsbourg, je pense que c'est moi qui lui a fait connaître. William Scheller, il a pas trop aimé. Et voilà, on s'est quand même auto-alimenté au niveau musical. C'était super intéressant. Et puis, on riait aussi de quelque chose. C'est que, ça c'est intéressant. Lui, il était étudiant au cégep. Moi, j'avais terminé, j'étais à l'université. Et il parlait des. Puis il y avait. Encore là, il va peut-être me reprendre. Mais il n'avait pas compris le concept de notre ami Karl Marx, qui disait qu'il y a deux strates dans la société. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a deux. Il y a les prolétaires et les bourgeois. Les prolétaires, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de production. Et les bourgeois, c'est ceux qui ont les moyens de production. Puis l'autre, il dit non, il y a la couche moyenne. Voilà. Il n'y a pas de couche moyenne dans l'univers. Là. Quand on parle de l'univers de Karl Marx, là, dans la société, on peut en trouver, on peut en faire, on peut en créer. Mais si on se fie uniquement à l'idéologie marxienne, hein, marxiste, pour ne pas dire léniniste, ben, il y a deux couches sociales. Les bourgeois et les prolétaires. Là, je suis sûr qu'il doit se lever dans son salon s'il m'écoute, puis voyons, non, il est encore bloqué là-dessus. Mais c'est pas moi qui est bloqué, c'est les conditions de Karl Marx. OK? C'est certain que là, dans un bar, en parlant avec des gens, hein, on s'y hâte une petite bière, on peut refaire le monde. On peut dire, c'est vrai qu'il y a plusieurs couches sociales. Il n'y en a pas juste trois, il y en a plusieurs. Hein, il y a les riches, il y a les moins, il y a la couche moyenne, la couche riche moyenne. On peut en créer. C'est un peu comme les gens qui travaillent en sociologie. Parce qu'au début, c'était pas compliqué. Il y avait les adultes et les enfants. Il n'y avait pas d'adolescents, préadolescents. Puis, en Afrique, c'est pas compliqué non plus, c'est simple. C'est que quand tu, pour un gars, si tu allais dans la forêt et tu ramenais un animal, tu devenais un homme. Pour une femme, si tu avais tes menstruations, tu étais une femme. Puis là, aujourd'hui, oh mon Dieu, il y a les... Ah, il y a les nourrissons, puis tout. Mais c'est vrai qu'il faut complexifier. Il faut complexifier. Parce que c'est de plus en plus... Non, je pense que c'est nous qui nous l'avons joué. On se la joue dur aujourd'hui. Parce qu'avant, t'étais un enfant ou un homme. T'étais une fille ou une femme. Et puis, vraiment, toi, comment tu trouves ça? Ah, mais moi, écoute bien, là. Moi, te dire une affaire. Ma femme, c'est ma femme. Mon fils, c'est mon fils. Ma bru, c'est ma bru. Puis ma copine, c'est ma copine. Oh, on vient de... Non, ma copine, ma copine, ma voisine. Ben oui, ça dit... OK, ta voisine, c'est ta copine. Hey, bon, pas de rumeur, toi. Alors toi, simplement, tu as mis toute cette structure-là intellectuelle de ton côté. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you come around. Come loose your dogs upon me and let your hair hang down. You are a little mystery to me. Every time you call around, we talk about it all night long. To find out moral ground, but when I crawl into your arms, everything it comes tumbling down. Come sail your ships around me and burn your bridges. Every time you come around, your face is falling sad now. For you know the time is nigh. When I must remove your wings, and you must try. Sail your ships around me and burn your bridges down. Oh, we make a little history, baby, every time you come loose your dogs upon me. Aujourd'hui, je vous propose Rosie Marie, mon auteur, compositrice, interprète que j'aime tant. Alors à toi, ma petite et douce Rosie Marie. Douceur du matin. Une envie de voir la mer sortir du nid douillet avec toujours cette même idée. Compter le nombre de bateaux, sentir la brise légère flotter dans les airs, le soleil dans le dos. Sensible à toute nature, les mots l'interpellent, pensent les blessures de ses larmes éternelles. Bel étendard, est-ce une espèce d'oiseau rare? Son esprit, lui dans la vie. Libre et sans phare, est-ce une espèce d'oiseau rare? Sa couleur brille dans la nuit. Lorsque le ciel gronde et s'enflamme, alors l'oiseau déploie ses ailes, jamais ne se dérobe, entendez son appel. Naïf et volontaire, à croire que le monde est lumière, toujours en quête d'un nouveau port, une mission, un bel effort. Bel étendard, est-ce une espèce d'oiseau rare, son esprit lui, lui dans la vie. Est-ce une espèce d'oiseau rare? Sa couleur brille dans la nuit. Mais qui est cet oiseau? Pourquoi est-il oiseau? Pourquoi fait-il cela? Mais où est né l'oiseau? Est-il en nous l'oiseau? Que peux-tu dire de ça? Est-ce une espèce d'oiseau rare, son esprit lui dans la vie. Libre et sans phare, est-ce une espèce d'oiseau rare, sa couleur brille dans la nuit. Moi aussi, ça fait déjà longtemps. Le mot qui vous êtes. Ah ben voilà. Et voilà. C'est gentil, merci beaucoup. C'est la publicité, hein. Salut, merci. Et lui, c'était qui? Lui, c'est Didier Aubrard. Non, c'est un type qui a travaillé avec Sévra, avec à l'émission La Chance aux chansons. Ah oui! Alors, il est derrière tout ça. D'accord. Et aujourd'hui, il fait des événementiels, il fait des spectacles à bord de bateaux, de... D'accord. Un peu partout, là. Et, ouais, voilà. Bien. Et toi, comment ça va? Ben écoute, ça va, ça va. C'est l'été. C'est l'été, ça y est, bah ben, là... Et c'est un ancien... Moi, c'est pas du poil, moi, c'est des cheveux. Ça, c'est donc, des cheveux, ouais, carrément? Oui, parce que les gens qui sont allergiques peuvent avoir un pitou comme le mien. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est les allergies. Qui, d'accord. Qui oui, puis je crois que le tien, il est plus Yorkshire un peu. Oui, il est plus petit. Un peu plus petit, ouais. Mais le tien, il est moins chapeux. Moins, ça veut dire quoi, moins chapeux? Chapeux. Ah, aboyer. Si, si, tout à l'heure, il y en a un, là, il est passé, il courait. Mais il courait vite, c'est pour ça. Elle était là, arrête de courir. Ah ouais, c'est ça. Et sinon, comment ça va? Ben écoute, ça va, ça va, ça va, ça y est, ouais, c'est le mois de juillet, donc c'est pas vraiment les vacances. Là, je bosse jusqu'au 31, je prends le mois d'août en vacances. Okay. Et puis ça y est, quoi, on est un peu sorti de toute cette crise et tout, tu vois, donc bon, c'était pas facile, hein. Pas facile pour les auteurs, compositeurs, interprètes. Ouais, pour tout le monde, en fait, pour tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que dans tous les métiers, c'était compliqué, même en règle générale, tu vois, même l'humeur et tout ça. Dans Paris, c'était pas très joyeux. Ça commence à revenir là-bas, les touristes reviennent, tu vois. Et là, c'est rempli partout. C'est rempli, les ouais. Les hôpitaux, les hôtels, les auberges de jeunesse, tout est comblé. Ouais, bah ouais, ouais, bah oui, parce que les théâtres sont vides. Les théâtres sont vides. Oui, ouais. Les gens ont peur de se trouver à un endroit enfermé. Ouais, alors par contre, voilà, on a un problème, c'est que les salles n'arrivent plus à remplir. Pour le moment, mais ça va revenir. Ça va revenir. Mais c'est vrai que du coup, je te cache pas que tout ce qui est programmation et tout, bah, c'est compliqué, c'est toujours les mêmes qui passent, c'est... En as-tu profité pour écrire pendant cette période-là? Oui, bah là, du coup, ça y est, là, en fait, je prépare la rentrée de septembre. Et du coup, là, je me remets surtout à essayer de réfléchir un peu le projet, enfin, où est-ce que je vais aller maintenant, quoi. Parce que toi, tu travailles seule, mais tu es aussi un groupe. Non, non, je suis toute seule. Ok, tu es toute seule, ok. Ah ouais. Okay. En fait, j'écris tout, je compose. Après, je suis avec Mathieu sur scène, mais on travaille après en répétition et tout ça. On n'est que deux sur scène, ouais. Et ton projet de paye, ça t'a pris... En tout cas, tu as bien fait ta promotion sur Internet parce qu'on te voyait souvent. Tu es revenu constamment, tu m'as envoyé le disque qui est fabuleux. Ah oui, mais je te l'ai envoyé parce que je t'en avais apporté d'autres, tu vois, au cas où. Mais... En fait, sur la pochette, c'est les pieds, c'est ça, hein? Oui. Ouais, c'est ça. Et d'où est venu ce projet? Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que... Alors, c'est assez marrant parce qu'au début, du début, je voulais pas du tout ça comme pochette. Je voulais une nature morte. Je voulais, moi, sur une table avec plein d'objets partout et tout. Et en fait, ben, au fur et à mesure d'en discuter avec l'équipe avec qui je l'ai monté, et ben, en fait, il y avait des images qui revenaient quand même assez souvent. Et avec la photographe, on a monté un décor chez elle. Et puis, on a fait plein de photos différentes. Et puis, bah, c'est celle-là qui est sortie. Et le concept, c'est égal à où est venu ce personnage? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme cette EP-là exprime une séparation, bah, du coup, il y avait vraiment ce côté, la femme, elle est par terre et il y a toutes les affaires par terre. Et il y a une autre de photo où je suis avec un balai où je pousse tout. Et c'était un peu ça, quoi. C'était des fleurs. Il commence comme ça, le morceau, c'est qu'il y a tout qui est par terre, des fleurs, tout est cassé. Et elle fait le ménage. Et donc, le prochain, ce sera plus sur le après. La reconstruction. La reconstruction, on va dire, ouais. Est-ce que ça a un lien fixé avec ta vie personnelle? Complètement, ouais. Ouais. Là, pour le coup, c'est la première fois où vraiment il n'y a que moi dedans, ouais. Et tu as voulu exorciser Oui, j'avais envie de le partager avec les gens. Autant Minuit était vraiment autour des autres. Là, celui-là, c'est vraiment moi. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a fait un peu le truc, c'est Egon, bon, c'est pour Egon Chill. Et en même temps, dans Egon, il y a Ego, donc il y avait le côté un peu moi. Et en fait, dans toutes les chansons, même sur scène, je l'explique, que ce soit ça ou Egon, ou parce qu'en plus Egon, j'ai vraiment le lieu précis, Cocktail Paradise et tout ça, c'est vraiment tout ce que j'ai vécu, je le balance. Et encore, ça c'est petit parce que là je me suis dit que les prochains... Hey, c'est beau en passant ton colis. Ah merci, c'est gentil. C'est une création. Hein. Non, je l'avais acheté dans un magasin. Et le prochain, je me suis dit, vas-y, je me livre complètement. Vous serez à nu. Et puis je me suis dit que les gens me racontent beaucoup leur vie. Maintenant, à moi de raconter la mienne, tu vois, genre... Avec bleu c'est une belle histoire. Ouais, c'est toute une histoire aussi qui est proche d'elle, quoi. Ouais. Mm. Et on sent que tout le groupe que tu as, toi, ben, en tout cas dans ton Facebook, on dirait que toutes les filles dans ce groupe-là sont en réflexion sur leur vie amoureuse. Oh, beaucoup autour de moi, ouais. On est tout fou, un... Ouais, mais c'est vrai. Ouais. Ouais, là, ouais. J'ai glané à gauche et à droite et on arrive souvent à ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le fait d'être seul, enfermé avec l'être cher, que tout s'est dévoilé et que la bisbouille a commencé? Non, je pense que c'est plus un côté de féminisme, en fait. Je pense que c'est plus un côté de courant féministe et puis aussi côté social. C'est surtout, je pense, le fait de dire... moi, c'est, en tout cas, c'est ce que je veux exprimer aussi avec Egon, c'est que... On peut se séparer, on peut être avec quelqu'un. En fait, c'est surtout d'être soi-même et de plus laisser marcher sur les pieds, de plus laisser faire. Et puis tous ces codes sociaux, tu sais, le mariage, avoir son travail, avoir des enfants, le machin et tout. Mais ça fait pas partie de nous, enfin, c'est pas notre truc, quoi, tu vois. Donc il y a un moment donné où c'est nous, en fait, c'est la femme. C'est la femme avant tout, et puis voilà, quoi. Non, c'est tranquille. Ouais. Tout se passe. Non, ça va. Donc, je pense qu'à un moment donné, un petit ras-le-bol aussi, quoi. Un petit ras-le-bol de tout ce qu'on peut vivre, voir, entendre, ressentir. Et maintenant. Et en jouer aussi. Oui, puis maintenant, je te laisse plus faire. Enfin, déjà, je me laissais pas faire avant, mais alors là. Mais là, ça risque d'être difficile pour toi parce que tu es rendu que tu sens plus sélectif. Sélectif par rapport à quoi? À l'amoureux, oui. À l'étrachant. Ben oui, c'est compliqué parce qu'en plus, maintenant d'être seule, t'entends plein d'histoires à droite, à gauche. Oh, tu te dis, oh là là, mais moi, je veux pas vivre ça. Et du coup, on se dit, oh là là. Et ouais. Et qui arrivera en face à être, en fait, à peu près la personne que j'aimerais avoir? Enfin, tu vois, il y a un truc. Bah oui, c'est que tu vois, on a rencontré pas mal de gens, on s'est façonné, tout ça, et puis bah en fait, on commence à avoir nos propres idées. Et bah maintenant, le prochain, il va falloir qu'il s'accroche, quoi. Et puis il y a même. Attends, Mimi, non, ça suffit. Mimi, tchak, viens ici. Putain, les restos. Mimi, viens ici. C'est bon. Mais à chaque fois, je rencontre quelqu'un qui me dit c'est moi. Bon, c'est Mimi Jack, mais. Voilà. Ah, ben voilà, c'est Mimi, c'est une boule d'amour. Ah, oui. Ah, ouais, non, mais. Alors, vas-y. Alors, tu parlais de retrouver quelqu'un. Ah, oui, sera... bah, du coup, tu vois, parce que par exemple, j'ai une copine là qui est en train un peu de se séparer. Et quand elle me raconte son histoire, je me dis. Oh, putain, mais moi je veux pas rencontrer un mec comme ça, quoi. Et du coup, bah, on a envie, mais du coup on a peur. Ouais. Tu vois, c'est un peu, on est prêt, on est là, tu vois, on se dit, oh, ce serait chouette. Mais en même temps, avec tout ce que j'entends, puis même moi j'en ai rencontré là des gratinés. Hein. Ok. Et ça... comment tu leur dis non, merci, ça m'intéresse pas? Est-ce que bah, tu leur dis non, ça ne m'intéresse pas. Bah, ouais, ou c'est la situation qui fait que c'est bon. Est-ce qu'ils comprennent rapidement ou si ça leur prend beaucoup de... Ah non, je pense que ça... Là, le dernier, il a compris assez rapidement. Ouais. Oui, puis après, moi, je suis assez direct. C'est juste lui qui voulait rentrer dans ta vie. Oui, il voulait rentrer dans ma vie, il est rentré dans ma vie, et franchement, c'est pas possible, quoi. Ouais. Enfin, il disait... Il faisait tout ce qu'il disait, enfin, c'était le contraire de ce qu'il disait, tu vois. Ouais. Trop bizarre, quoi. Genre le mec qui dit qu'il a aucun problème. Et puis là, tu te rends compte. Et puis là, quand il parle, en fait, tu sens qu'il a trop de problèmes, quoi. Tu fais oulala, oulala. Ouais. Puis bon, moi, vu ce que j'avais vécu avant, moi, j'ai plus envie d'avoir de problème. Hein. Oula. Mais est-ce que c'est de plus en plus difficile de rencontrer quelqu'un qui soit compatible? Oui. Parce que tes exigences sont extrêmes. Non, c'est que moi c'est aussi moi, en fait, tu vois, j'aime bien être tranquille, j'aime bien être toute seule, tu vois, j'ai mes routines, enfin tu vois, j'ai mes trucs. Ok, alors tu veux un mec, mais tu veux garder ta routine. Chacun chez soi, ça fonctionne. Oui, chacun chez soi, oui. Mais après, j'en sais rien, tu vois, parce que moi, je m'adapte aussi assez facilement. En fait, ça va dépendre qui j'ai en face. Ouais. Qui j'ai en face et qu'est-ce que la personne veut faire. Je veux plus être moteur non plus. Et j'aimerais bien rencontrer quelqu'un un petit peu comme moi, en fait, tu vois, aussi. Mais en même temps, quand t'es pas en mode recherche, ça va tout seul. C'est quand t'es en mode recherche que tu prends n'importe qui. Ouais, mais bon, là, en même temps, tu sais, dans Paris, en fait, on se parle pas, tu vois, on rencontre pas. Puis moi, je sors toujours un peu avec le même groupe de gens, donc je rencontre pas forcément de nouvelles personnes, quoi. Ouais. Mais c'est pas grave, non, hein. Non. Mais est-ce que le fait de vieillir, comme tout le monde, amène l'urgence de rencontrer quelqu'un? Non, parce que ça, moi, j'y crois. Je pense qu'on peut rencontrer quelqu'un à n'importe quel âge. Il n'y a pas de règle, c'est juste rencontrer la personne qui te fait vibrer, quoi, tu vois, avec qui tu as envie de raconter une histoire, avec qui tu as envie de vivre quelque chose, quoi. Et voilà, et le dernier en date... Ouais, et puis c'était pas très intéressant. Enfin, en tout cas, je me sentais pas moi-même, là, tu vois. T'étais travesti un peu. Un peu, ouais. Puis même, j'attendais pas, tu vois, j'avais l'impression que je m'adaptais trop à lui, tu vois. Enfin, je faisais trop en fonction, et j'ai chaud. Non. Est-ce que pour toi, ben, ça dépend aussi combien d'années que tu étais avec. Quand c'est tout frais, ça fait moins mal. Mais quand ça fait quelques années, il y a comme une sorte de routine qui s'est installée et la rupture peut être un peu plus compliquée. C'est pas la rupture qui est compliquée, c'est l'après, ouais. Pendant la reconstruction. Où en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui te remontent en tête. Ah, oui, il y a plein de moments, de phrases, tu vois. Et ouais, c'est plus la reconstruction. Et c'est de là que le disque est né. Oui, beaucoup. Et là, le prochain aussi, c'est... Beaucoup de choses qui reviennent. Est-ce que ça risque d'être un EP encore ou tu veux faire... Oui, un EP, oui. Mais en même temps, ouais, et en même temps, je ne sais pas trop parce que j'ai peut-être envie de faire un truc différent. Il faut que je vois parce que j'ai aussi peut-être un concept avec des duos et tout. Là, je suis encore en train d'y réfléchir. Mais... Mortel quotidien, je vois bien cette tristesse dans tes yeux. Routine, quand tu nous tiens, tes propos deviennent dangereux. Un sale temps pour ton âme, autour de toi se noue le drame. Quand tu restes enfermé, humeur fanée et déprimée. L'amertume est au parfum. Pour le beau du monde, le regard fixant l'horizon, changeant d'époque, de direction. Viens partant pour le beau du monde. Pensée nocive, menaçante, qui la nuit te hante. Puis acide, délirante, toxique, virulente, que tu camoufles à bout de souffle. Et si on oubliait demain? Le regard. Non, c'est que j'ai déjà tout dans la tête. C'est juste que là, il me faudrait des sous. Quoi. Je veux juste te dire quelque chose. La dernière fois que tu avais ton concept, tu m'as envoyé des trucs sur un courriel où je ne vais pas, avec Ulule. Et je voulais investir des sous comme je l'ai fait avec Garance Aubin. Garance Bohin. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai contribué, mais quand je suis allé sur mon courriel que je ne visais presque jamais, là, j'ai vu que tu avais un Ulule et quand j'ai voulu m'inscrire, il était déjà trop tard. Alors, sur Facebook, je vais t'envoyer mon véritable courriel. D'accord, comme ça, je t'enverrai. Et comme ça, tu m'enverras les Ulule et des trucs de collaboration. Ben, là, le Ulule, je ne sais pas si je vais en faire, mais là, je ne te cache pas que je suis en manque de finances, en fait. Ouais. Et tu es encore professeur et ben, tu enseignes le piano? Et ben, en fait, ça y est, j'ai arrêté. OK. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me j'ai envie de m'occuper que de moi et de ma création. Ce qui s'est passé, c'est que depuis la pandémie, j'ai fait que ça. Finalement, c'est comme on jouait plus, comme j'avais plus les concerts au crayon, tout ça et tout. Bah, la seule chose qui me tenait, c'était les cours. Et en fait, bah ça par exemple, c'est des phrases que j'entendais avant quand j'étais avec la personne d'avant. Genre, il n'y a que les cours. En fait, on avait l'impression qu'il n'y avait que les cours qui existaient, qu'il n'y avait que ça, qui allait me faire gagner de l'argent, qu'il ne fallait surtout pas que j'arrête, tu vois. Et en fait, je me rends compte que je gagne ma vie autrement, tu vois, avec l'intermittence et tout. Et puis, bon, ouais, je l'ai bien comme il faut, donc ça, c'est cool. Après, voilà, ça fait des années que je donne des cours, je me déplaçais le mercredi. Après, c'était que le mercredi après-midi, mais je passais mon temps là-bas, alors que... Non, j'avais envie d'arrêter. Bon, ils sont un peu tristes, alors il y en a peut-être une que je vais récupérer à la maison, tu vois, là, il y en a un autre qui m'a dit « Ah, c'est dommage et tout », mais je vais trouver des solutions s'ils veulent, ce sera à la maison, mais pas toutes les semaines, tu vois, ce sera pas un truc pour vraiment que j'ai le temps, moi, de créer, quoi. J'ai vraiment envie de changer mes routines et puis, tu vois, me lever le matin et pas me dire « Oh là là, j'ai plein de trucs et tout ». Non, j'ai envie d'avoir plus de temps, plus d'espace. Mais là, tu es en vacances ou tu te prépares à des vacances? Là, en août, je pars en août. OK. Alors actuellement, tu es encore en plein travail? Là, je suis en plein de travail, ouais. Là, je travaille. Tu trouves le concept pour ton nouveau projet? Oui. Et tu as beaucoup de... T'as une belle vision? T'as une belle visibilité? T'as quelque chose en vue? Ouais, j'ai quelque chose en vue, oui. Parce qu'en fait, je me demande, j'aimerais bien peut-être le monter dans un théâtre, tu vois, parce que je sais que j'ai toujours aimé le théâtre. Alors, est-ce que ce serait pas, tu vois, une pièce musicale? Comme et après, musicale. Je sais pas. Et de là, sortirait des EP. Mais en fait, j'ai plein d'idées, mais le problème, c'est que j'ai pas de sous. Ouais. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'avant, les cours me permettaient de financer, mais comme j'ai arrêté de donner des cours, parce que voilà, du coup, j'ai moins de finances. Et puis, en fait, c'est que dans mon équipe que j'avais, il y a une personne qui a vraiment chié dans la colle niveau subvention, et il m'a foutu dans la merde. Ouais. Genre, en fait, j'ai eu aucune subvention. Okay. J'ai rien eu. Alors, t'as pas pu... Non, du coup, je peux pas aller plus loin. Et le gars, tu veux même pas d'excuses, rien. Puis en fait, il a pas fait tout ce qu'il m'avait dit qu'il ferait. Et en fait, il m'a foutu dans la merde. Mais pour tout, hein, que ce soit l'EP, le clip, la release party. Du coup, c'est moi qui ai tout financé. Et du coup, j'ai aucun retour sur investissement. Parce que tu veux des phases de confiance. Bah oui. Bah, ça amoindre des choses, quoi, tu vois. Donc, ça a un peu changé ta vision Du coup, financièrement, oui. Du coup, je voulais faire deux clips, je ne peux pas les sortir, tu vois. Ça, c'est le problème. Et ça, c'est pendant le projet Egon ou un peu Egon, ouais. Ouais, parce que je voulais sortir, je voulais faire Je pleure le dimanche et Histoire sans fin. Et j'ai tous les clips qui sont écrits, tout ça, tout est prêt, quoi. Mais il n'y a pas les sous, quoi. Ouais, ça, c'est chiant. Et le gars... gros con, quoi. Ouais, mais j'ai eu beaucoup de déceptions. J'ai eu 2-3 personnes dans l'équipe, ils ont vraiment pas assuré du tout. Et du coup, heureusement que voilà, je suis optimiste et que tu vois, je crée pour la suite et que ça va, tu vois. Mais ça m'a. Ça m'a bien fait chier quand même. Est-ce que t'es cicatrisée ou pas encore? Oui, mais après je le verrai, j'aurai envie de le taper. Ah ouais. Mais du coup, je lui parle plus. Et puis du coup, quand les gens me parlent de cette personne-là, j'ai dit non, surtout ne travaille pas avec. Voilà, tu vois. Ah oui, puis alors moi j'ai compris, je suis déçue par quelqu'un, il vaut mieux même pas qu'il revienne à la charge. Non. Comme je disais la dernière fois, moi tu vois, tu me fais un truc, mais tu m'expliques après, il n'y a pas de souci, on discute. Mais quand je suis déçue, mais vraiment déçue, j'ai du mal à revenir vers la personne. Parce que tu t'as blessé une fois, il peut encore te blesser facilement. Oui. Et je fais plus confiance. Est-ce que tu as senti sur jusqu'à ce pays-là qui vient de sortir. Il y a quelques temps, il y a un an et quelques, hein, et Egan aura quoi, un an et des... Il aura un an en novembre. C'est ça. As-tu senti une... As-tu senti vraiment une suite à l'écriture aussi? Tu as voulu vraiment changer de style? Non, je ne change pas de style, c'est toujours pareil. Après, oui, je vais changer ma manière de faire, je pense, de composer ou d'écrire, si tu veux. Ouais. Mais le style, il sera toujours à peu près là. Ça, va, ça évolue tout le temps, mais c'est tout le temps à peu près la même chose. Alors, toi, ton son, ton environnement, ton univers. Oui, oui, plus ou moins, ouais, ouais. Sur... Tu te sens à l'aise. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, et puis surtout aussi avec le piano, je sais que là, ben, là, je viens d'en faire une piano-voix, donc je vais voir avec Mathieu, je vais lui envoyer. Pareil, comme toujours, je vais toutes les faire piano-voix, comme ça après je peux les jouer piano-voix tout le temps, partout où je vais. Et ben là, je vais à Saint-Malo là, tout le week-end et je vais les jouer, tu vois, piano-voix. Je les mélange avec des reprises. Okay, d'accord. Non, je fais jeudi, vendredi, samedi. Ah, c'est bon. Ouais, ouais, le 14 juillet, je le fais là-bas. Tu vas faire un peu de sous? Oui, oui, bah là-bas, je suis payée en cachet, ouais, ouais. Tant mieux. Ouais, ouais, ça c'est cool. Ça va en faire du bien. Ouais. Mimi, viens ici, couche-toi. Mais je peux te la laisser deux secondes que j'aille faire pipi, ben oui, ça te dérange oui, pas ben non, ben bon. Non. Normalement elle bougera pas. Hein. Bon. Je vais m'en sortir. Ouais, moi bon, je te fais confiance. Hop, ben, je te laisse mon sac. Oh, oui, oui, pas de problème, oui. Elle va revenir. Non, plus c'est pas que pas. Elle va revenir. Sur un peu d'or. Non, justement, elle m'a dit, elle n'était pas sûre, parce que les anticorps, on les a avec le vaccin et on les a aussi quand on a attrapé le Covid. Même l'infirmière, moi je sais, mais quand même. Même l'infirmière, elle m'a dit, elle ne sait pas où ça. De manière chirurgicale. T'as les pieds qu'on gonflait, Marie. Non, c'est en fait mes chaussures qui me serrent un petit peu. Oh, non, mais au-dessus. Là? Là, au-dessus, là. Là? Là. Là? Moi, ouais. C'est la chaleur. Ouais, bah ouais. C'est que ça me serre un petit peu. C'est bien, c'est quelqu'un qui m'a donné. C'est bizarre parce que le laboratoire, je leur dois 20 euros, du coup, ils devaient m'envoyer par courrier avec les résultats. Je suis petite, mais je suis costaud. Bonjour. Très bien, très bien. Ah non, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux prendre un coca, s'il te plaît? Bah, bien sûr. Merci. Allez, écoutez-vous. En fait, si tu es stressé, il sera stressé. Elle sera stressée. Mais si ah tu oui. n'es pas, ah oui. Ah oui, non, non, mais moi je suis pas trop stressée avec mon chien. C'est plus, je veux pas trop que ça dérange les gens de la garder, tu vois. Non, non. Oui, c'est bien, mon bébé. Allez, oui. Oui, oui, c'est à moi. Ok, parce que tu en avais plusieurs. Oui, oui, oui, oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux premiers, je leur ai trouvé une famille et tout. Et puis bon, en fait, c'était quand? C'était en décembre 2021. Attends. Non, décembre 2020. J'aurais dû en avoir un ou deux. Enfin, si tu veux, il y a eu plusieurs fois où on m'avait dit, bon, prépare-toi, tu vas en avoir un nouveau. Et puis après, ça s'était pas fait. Une fois, enfin, deux, ça, trois ça fois, ça avait arrivé. Du Covid encore. Non, non, c'est okay. Parce que les gens, en fait, ils voulaient plus l'abandonner. Ou okay. Tu vois, il y avait plein de trucs comme ça. Et en fait, je sentais que j'étais triste, quoi. Je me disais, oh, mais non, mais j'en veux un, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai demandé à la. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je parle, mon amour. Et du coup, j'ai demandé à la directrice du refuge en disant, bon, je crois qu'en fait, je suis prête, j'ai remis en le prendre. Elle me dit, bah écoute, regarde sur les sites nos partenaires. Donc il y a Apar avec la Réunion, ouais. Et puis Melting Pet, la Roumanie. Et puis... Roumanie? Ouais, on travaille. Elle vient de Roumanie. Elle vient de Roumanie. Ah oui? Ouais. Parce que nous, en fait, on travaille avec la Roumanie, la Réunion et la France. Et du coup, je suis allée sur le site et là, j'ai vu ses photos. Et là, j'ai fait, oh là là, j'ai eu le coup de foudre. Mais j'ai... pourquoi la famille l'a abandonnée elle était... En fait, en Roumanie, il faut savoir que c'est comme à La Réunion, les chiens, ils sont dehors, ils sont maltraités. Ok, c'est un chien errant. Ouais, c'est un chien errant, en fait. Elle a été retrouvée dans la rue à un mois, je crois, un ou deux mois. Elle a quel âge, là? Là, elle a un an et demi. Elle est née en septembre. Ouais, elle est super. Elle est super sympa. Non, puis je l'amène partout et tout. Puis alors, les gens, du coup, ça devient la mascotte, quoi. Même en concert et tout, je l'amène. Et alors, quand je l'amène pas, je te raconte pas. Je suis genre, mais elle est où, Mimi Jack et tout. Puis tout le monde la reconnaît. Même souvent, les gens reconnaissent d'abord mon chien et après moi, tu vois. Ah, mais j'adore. Si, si, si. Mais ça me fait rire. Dans le métro et tout, des fois, ils font, ah, Mimi Jack, ah, Marie. Non, c'est rigolo. Non, mais moi, ça me fait rigoler. Et du coup, quand j'ai... Ouais. Et dès que j'ai vu les photos, j'ai craqué. Et du coup, j'ai dit à la directrice, est-ce que c'est possible de la faire venir? Elle me fait, bah, écoute, il y a un convoi qui arrive en février, si tu veux, on te la met de côté. Tu testes et puis tu verras au bout d'un mois. Ouais, au bout de 3 jours, déjà, elle était à la maison tranquille. Et puis, bah, on s'est aimé tout de suite. Mais comment ça s'est passé? Parce qu'elle n'a jamais vécu en famille? Si, alors j'ai eu de la chance, c'est qu'elle était déjà dans une famille d'accueil en Roumanie. Okay. Et en fait, la dame, elle voulait pas trop la laisser. Mais comme elle avait d'autres chiens, elle avait aussi des chiens handicapés et tout, elle a dit, bon, il faut que je la laisse partir. Ouais, parce qu'elle avait trop de chiens à gérer. Elle m'a dit, bon, allez, je vous la laisse et tout. Est-ce que tu l'as payé? Oui, je l'ai payé, ouais. Mais pas beaucoup, c'était 200 euros, je crois. Oui, bah du coup, ça a payé... la stérilisation, ça a payé les vaccins, tout ça. Quand elle arrive, elle est vaccinée? Oui, elle est vaccinée. Non, stérilisée, non, c'est moi qui l'ai stérilisée, mais c'est le refuge qui prend en charge. Et puis, ben, j'ai son passeport, ses cartes et tout ça, quoi. Ah ouais. Mimi! Non, mais le mien est pire que ça. Ah ouais, c'est vrai? Ah oui. Réveille-toi, emmène-moi. Embrasse-moi. Sortir une jambe, la table qui penche, la vie se déhanche. parce qu'on s'est rencontrés en février. Ouais. C'est bien parce qu'on s'est vus en hiver, ouais. en 2020. Je t'avais demandé, as-tu beaucoup de musique en tête, de pièces musicales? Tu m'as dit oui, j'ai pas assez de paroles. Oui. Aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Ah, c'est toujours pareil. OK. Ouais. Et d'ailleurs, maintenant, pour expulser tout ça, je fais les impros sur Instagram, je fais les impros du lundi. Du coup, tous les lundis, je balance des impros et puis et du coup, je compose pour d'autres. Comme ça, hop, tu vois, je mets à droite, à gauche. Si quelqu'un se sent inspiré en écoutant tes musiques, est-ce qu'il pourrait t'envoyer un texte? Oh oui, mais il y en a plein qui me proposent. Hein. C'est moi qui ai du mal à suivre parce que des fois, ils veulent me proposer pour moi. Et là, moi, j'ai besoin d'écrire en ce moment. Mais ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Là, il y en a déjà deux qui m'ont proposé, deux, trois, ouais. Okay. Et puis, tu refuses ou... Bah, je leur dis que je laisse de côté et puis j'attends, tu vois. Mais ouais, bien sûr. Mais par contre, je suis pas fermée. Enfin, si les gens me contactent, ouais, carrément. Ouais. Et les mots, est-ce qu'ils arrivent facilement depuis quelques temps, après avoir cette rupture-là, cette réflexion sur... Non, mais je me force un peu. Après, je reprends des anciennes chansons qui n'étaient jamais sorties aussi, je retravaille. Je me suis donné une autre directive de travail. OK. Est-ce que c'est dur de se concentrer sur les paroles, de revenir aux mots, de revenir à... C'est dur parce qu'en fait, des fois, je suis un peu déconcentrée par le téléphone ou par d'autres trucs. Mais est-ce que le fait d'écrire, ça sort un peu ce que tu as vécu, ça fait du bleu, ça relâche. Ah bah oui, oui, je sais que oui, quand j'ai écrit et composé une chanson, après je me sens mieux, quoi. Ouais, ça peut être, des fois ça peut, tu vois, et puis d'un coup elle sort, je fais, ah, merci, elle est sortie, quoi, tu vois. Parce que ça libère et surtout que ça met en photo un peu ce que tu as vécu. Ah oui, puis comme ça on passe à autre chose, tu vois, c'est genre t'as libéré un truc, bah c'est comme, c'est de la charge mentale en fait, tu vois. Ça y est, c'est passé, maintenant je passe à autre chose. Ah ouais. Est-ce que c'est... Je te l'ai déjà posé, mais tu répondais... Ça dépendait des années. Est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? On va le mettre à l'intérieur. Ah, ça ne marchait pas? Non, c'est les idées qui amènent les mots. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'idées. Et après, du coup, j'ai les mots. Ouais. Puis dans ces mots-là, est-ce qu'il y en a plusieurs qui... Oui, mais qui se chevauchent, qui se retrouvent dans plusieurs chansons. Oui. C'est lesquelles? Ah ouais? Jusqu'à fin août. Pendant un temps, c'était quand même sauvage et puis cheval ou animal, ouais. Tu vois, qui revenait quand même assez souvent. Bon, amour quand même. Ouais. Oh, t'as fait une mérite pour le mot amour. Ouais, finalement, pour une fille qui ne suit pas trop sur l'amour, elle écrit que là-dessus. Ouais, ouais je pense sauvage, perte aussi, froid. Enfin, ouais, il y a quand même quelques mots que tu peux retrouver. Qui font partie de ton... Ouais, oui. Bah, comme les notes, quoi, comme les accords et tout, ouais. Es-tu beaucoup inspirée par ce que t'entends? Est-ce que ça t'amène beaucoup de musique en tête? Non, je suis inspirée par... en ce moment, j'écoute pas trop en plus d'artistes. C'est ça qui est assez étrange qu'en ce moment, j'écoute plutôt des musiques sur YouTube, mais tu sais, des musiques d'ambiance et tout ça. Je suis plutôt inspirée, par moi. C'est passé plus de fois. Par moi qui... Par la vie, par tu vois, des trucs que j'entends, que je vois et tout. Ou des trucs que je me dis que je veux... Tu vois, je sais pas, là, en ce moment... Je pense à des rivières de diamants, tu vois, je me dis, ça fait la neige, le gel, la pluie, enfin, tu vois, truc un peu... Travailles-tu encore dans cette vision-là du groupe, c'est-à-dire que peut-être d'autres chanteuses à se montrer sur scène, à peaufiner des textes, parce que tu étais dans plusieurs groupes à un moment donné, tu les as... Ah oui! Tu as laissé ça en veilleuse? Avec la COVID, il n'y avait plus rien. En fait, ouais, il y a plein de trucs que j'ai arrêtés à cause, ouais. Est-ce que ça va revenir? Ça va revenir, ouais. Pas maintenant, mais ça va revenir. Parce que il faut que... Là, j'ai besoin de me retrouver encore moi. J'ai encore du travail à faire. Et m'occuper de moi. Parce que je me suis donné un nouvel objectif quand même. J'ai vraiment envie d'être beaucoup plus... oui, après, je suis bien, mais c'est juste par rapport à mon travail. Je veux qu'il soit plus reconnu. J'aimerais bien que ça bouge encore un peu plus. Ouais, que ça... qu'il y ait plus de choses, quoi. Arrêtez de frapper à la porte pour demander des sous, que les sous arrivent à tous. Et ça, tout le monde a ce problème-là. Genre... Ouais, c'est ça. Ouais, quand est-ce que ça va tomber du ciel, tu vois? Le mécène. Ah ouais, le mécène. En plus, je demande pas beaucoup, moi. 50 000. Ça va. Ouais. Mais avec eux, ça fonctionne pas. Si, mais j'en ai déjà fait deux, tu vois, j'ai pas envie non plus. Non. Après, j'ai pas mal de potes qui en font, là, j'ai encore payé, j'ai encore aidé, mais après, ça me fait plaisir, tu vois, j'aide beaucoup d'amis et ça me fait très très plaisir. Tu mets des sous ? Ouais. Ouais, ça me fait plaisir. Bah, après, je les connais, je sais qu'ils bossent bien, enfin, tu vois, ils méritent, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, moi, j'aimerais bien. En plus, c'est horrible parce que si quelqu'un me finançait, mais j'ai vraiment quelque chose à faire avec cet argent, tu vois. Parce qu'autour de moi, j'en ai beaucoup qui ont pris les subventions et qui ont fait autre chose avec, tu vois. Ah ouais, soit qui ont arrêté, carrément, soit ils ont acheté d'autres trucs, tu vois. Quoique le gouvernement devrait exiger un travail fini lorsqu'il prête plus d'argent. Ouais, il devrait demander les factures, il devrait demander... savoir de suivi. Après, ça dépend. Ça dépend, il y en a qui te demandent quand même. Il y a certaines subventions qui te demandent quand même des retours. Il y en a, ils ne te demandent pas. Et c'est aussi beaucoup de bureaucratie de travailler pour avoir de l'argent, frapper aux portes, trouver une salle. C'est devenu très fatigant parce que les gens ne répondent pas en fait. Ouais. Là, avec tout ce qui s'est passé, la situation actuelle et tout, je te jure, les gens ils répondent même plus aux mails. Ben, ils ont tellement aussi à faire. Ben, entre les reports et tout, tu vois, tout ce qui s'est passé, les gens, ils répondent pas. Mais là, ils sont plus à reprogrammer les gens qui avaient déjà programmé. Ben oui, ben oui. Et puis surtout aussi, maintenant, ils programment aussi des gens où ils savent qu'ils vont remplir les salles. Ouais. Tout le monde a besoin d'argent aujourd'hui, là. Et comme les subventions ont aussi baissé, tu vois, c'est compliqué, en fait. C'est un peu un cercle vicieux, quoi. Puis surtout que les gens vont plus au spectacle, hein, non. Parce qu'ils sont pas soit vaccinés ou ils ont peur que certains ne le soient pas, donc... Bah, sauf que là, ça reprend un peu. Moi, là, ça s'est calmé un petit peu, tu vois, mais... Mais là, les spectacles en plein air, ça peut aider aussi. Ouais, mais c'est pareil, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Tu vois, j'arrête pas de dire... tu sais, là où il y a la Dame de Canton et puis la Péniche Alamane, j'arrête pas de leur dire aux nanas, pourquoi vous faites pas une scène commune tout l'été, festival, tu vois, sur les quais de scène. Mais elles n'ont pas le droit. Pauline Paris, est-ce que tu la connais? Oui, oui, de nom, ouais. Non, mais sa copine, elle a un bar. Ouais, je connais le Cénobar. Okay. Ouais, j'ai déjà joué là-bas avec Camille. Ouais, c'est cool. Bon, après, t'as les toilettes sur la scène, quoi. Okay. Donc autant te dire que c'est pas pratique. Si elle est super, elle est géniale en plus, sa patronne et tout, vraiment, le lieu est très très bien. Et d'ailleurs je le dis à tout le monde, je fais, franchement c'est le lieu. Mais non, parce que moi ça me correspond pas. Enfin j'ai pas. Mais par contre j'accompagne une artiste. Je lui ai dit, ouais si tu veux aller jouer là-bas, moi je t'accompagne avec plaisir, tu vois. Ouais ouais j'aime beaucoup. Et puis elle est vraiment super, elle est très gentille. J'aime beaucoup. Puis Camille, elle a fait toute une résidence là-bas. Non, franchement. Allongé sur le carrelage froid de la cuisine, mon cœur traîne dans la cendre. Te revoilà. Un goût d'alcool dans la bouche. Je suis ivre sans repère, perdu sur un rivage amer. Et toi qui chantes. Je vacille ton regard froid, le coup de ta part, ma nuit glaciale. Tu me souris, elle m'entraîne avec ses longs bras difformes vers des contrées lointaines. Elle m'entraîne, elle ne veut pas que je dorme, envie de fuir à perdre haleine. Mélancolie en moi la nuit, je pleure. Je brûle de froid, désarticulé sous le poids mort de mes envies. Le spleen se vante, tout m'engloutit. Absorbé par toutes ces vies que j'imagine et qui n'existeront jamais. Plus rien ne rime à rien, envahi. Je me repère sans espoir et tu m'attires. Tu es bien là, elle m'entraîne avec ses longs bras difformes vers des contrées lointaines. Elle m'entraîne, elle ne veut pas que je dorme encore, émue que je saigne. Mélancolie en moi la nuit, je pleure le dimanche. Mélancolie en moi l'ennui, je pleure le dimanche. Je nouveautés, tu vois, j'ai envie de nouveaux lieux, j'ai envie de faire des nouvelles choses, des choses qui me font plaisir, parce que c'est ça aussi, c'est tellement dur quand tu tapes aux portes que personne ne te répond, tu vois. Bah du coup, t'as le moral que j'ai plus envie de taper aux portes, quoi. Ouais. Mais c'est donc... la fatigue. Ah oui, peut-être oui. Que les vacances, ça te ferait du bien. Ah ben bah, les vacances ouais, ah mais je vais rien faire. Ouais, il faut. Je vais bouquiner, faire des moufles fléchées. Est-ce que tu restes ici à Paris? Non, je vais dans le sud, je vais chez mes parents. À Marseille? À Nîmes. À Nîmes, ah oui, Nîmes. Ah, oui. Et après, je vais voir... Ouais, puis après, on va, je vais avec mes parents dans les volcans. Auvergne. Auvergne. Ah oui, non, alors, mais je te dis... auprès de ta famille. Ah ouais. Bah, ça fait un petit bout de temps que je les ai pas vus. Bah oui, mais depuis le confinement, on pouvait plus rien faire. Oui, et puis c'est vrai que je descends pas souvent, tu vois. Et puis non, ça coûte cher maintenant, le train, là, pour aller dans le sud. Ils abusent, quoi. C'est vraiment cher, hein. Ah ouais. Si tu t'y prends pas 3-4 mois avant, okay, c'est cher, quoi. Ah, mais le prix d'essence aussi. Bah ouais, du coup, là, je vais faire moitié-moitié. Je vais faire la moitié en autoroute et l'autre moitié en national pour essayer de que ça va trop cher, quoi. Bah là, Saint-Malo, je fais ça. Je vais l'aller, je fais en autoroute pour aller plus vite, enfin tu sais, pour arriver. Ouais. Et après la descente, bah comme j'ai plus de temps, je fais ça avec la nationale. Et c'est quand même, il faut toujours trouver des supercheries pour économiser. Oui. Bah après c'est l'époque qui veut ça aussi, tu vois. Donc bah faut s'adapter quoi. Et ça, ça me dérange pas trop parce que comme ça je découvre aussi un peu la région et ouais. Tout. Et franchement ouais, c'était sympa. Et puis comme tu étais en vacances, j'en ai dit. C'est clair. Tu es là. Ouais. Tu veux décompresser, tu veux tout. Ouais. Oui, oui, bah là, je finis le samedi 30 juillet. Bah, je descends le dimanche 31, tu vois. C'est un spectacle 30 Bah, au Crillon. Ok, oui. Et puis le 31, je descends, mais franchement, j'y vais avec la voiture tranquille. La mère, elle me dit, ça ira, tu veux pas que je t'aide et tout. Je dis, non. Ah, tu as une voiture, toi? Ouais, j'ai une voiture. Oh, ok. C'est quand même un privilège. Oui, bon après c'est ma mère qui m'a donné. Bah oui, mais parce que tu sais, moi j'ai le piano à trimballer à chaque fois. Et puis, alors t'es venue en voiture ici? Non. Ok, ok, ok. Non, non, là, elle est chez moi, tu vois. Non, non, non, non, je suis venue en métro. Ok. Et d'ailleurs, on a fait un peu de tourisme et tout avec Mimi. Ah oui. Mais ouais, non, j'ai besoin de la voiture quand même. Puis bah du coup, je la prête. Je la prête aux potes quand ils ont besoin et tout. Ah, oui, bah tu vois, là, on est allé chez Karen en Normandie. Bah, du coup, j'ai pris tout le monde, on a pris la voiture. C'est une vraie bonne vieille bagnole. Ouais, c'est une Chevrolet. Bah, tout le monde la reconnaît parce qu'elle est rose et blanche. Donc, c'est la rose immobile avec des petits papillons, tout ça. Enfin, voilà, tout, normalement. Est-ce que les papillons, c'est toi qui les as achetés? Ah, c'est ma mère. Oh. C'est la voiture de ma mère, en fait, que j'ai récupérée. Le petit côté féminin. Ah, oui, c'est drôle, c'est rigolo. Il y a des images de chiens aussi derrière. Enfin, bon. Ben, voyons. Eh ben, non, mais au moins, elle sert à rouler, ça. Oui. C'est l'essentiel. Je peux abuser ou pas et vous demander un Diabolo citron, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Ça, comme du coup, j'ai pas demandé en même temps que toi. Et au retour, tu vas écrire ou si tu veux écrire pendant la période où tu seras en vacances? Moi aussi, pendant que je suis en vacances, je pense que je vais écrire aussi, oui. Est-ce que tu as des choses à dire et ça presse? Ah oui, mais de toute façon, j'écris toujours, donc de toute façon, je me connais, là, je vais descendre avec genre, je sais pas, 5-6 livres, plus, oui, un ou deux carnets, ouais. Et quel livre tu vas amener avec toi en vacances? Ah, là, je sais pas encore. Ah si, attends, là, j'ai Aliénor d'Aquitaine, Aliénor que je vais recevoir, là. J'ai acheté Virginie Despentes aussi. Ah oui, j'ai la nouvelle, ouais. J'ai pas encore lu. Je vais descendre avec, je pense, comment il s'appelle, celui qui a fait l'affaire Harry Kéber, là. Le Suisse, là. Bon, bref, j'en ai. Virginie Despentes, est-ce que c'est un livre assez copieux ou, non, j'ai pris... Normalement, il fait 150, 160. Oui, oui, là, j'ai acheté Vernon Subutex. Okay. Je ne l'ai pas encore lu, tu vois. Donc, je vais descendre avec ça. Je pense que, bon, je vais acheter un petit Marc Lévy, je pense, entre, bon, tu oui. vois. Une petite facile, hein. Que ça en une journée il est lu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des trucs sur de l'histoire. Enfin, tu vois, j'ai acheté pas mal de petits livres. Je m'en rappelle plus. Est-ce que tu lis beaucoup de poésie? Non. Puis tes livres, tu les achètes usagés? De seconde main, c'est beaucoup moins cher. Sur Momox, c'est horrible. Momox, c'est sur Internet? Hein? C'est horrible parce que tu les as tous à 2-3 euros. Je te raconte pas quoi. Ouais, la livraison doit être assez chère. Bah non, c'est gratuit. Oh, intéressant. Intéressant. Du coup, t'en as... Non, elle est à 10 euros. Si tu arrives à... Oui, mais si tu arrives... À 20 non, euros. La livraison est gratuite dès que ta commande arrive à 10 euros. Ah oui, ok. C'est pas cher, 10 euros. Ben non. Hey. Ben donc du coup, moi, en 4 livres, c'est bon, tu vois. Hey. Donc du coup, vas-y, je récupère. En fait, j'achète entre allez, 3 et 6 livres à chaque fois. Hey. Ben, que tu te montes une bibliothèque. Ah, arrête, mais c'est horrible. Maintenant, chez moi, il y en a partout. Et ah, si, je vais lire Claudine, Colette. Ah oui, bah. Colette. Je vais, commencer à faire par Claudine va à l'école, là je vais les prendre dans l'ordre. Okay. J'ai Zola aussi à continuer. Oh, ouais. Mais ça c'est vraiment des vacances. Émile Zola, c'est le soleil. C'est toute la... Ah non, mais c'est mon chouchou, quoi. C'est Émile Zola, quoi. C'est... Est-ce que tu veux écrire éventuellement? T'as-tu cette âme d'écrivaine, de romancière? J'ai commencé, ouais. Et t'es rendu où? Et c'est encore dans la tête. Okay, j'ai commencé. Okay. Si, il y en a un qui est déjà, mais il faut que je, travaille vraiment, vraiment dessus. Tu vois, vraiment. C'est différent entre une chanson puis un roman. Oui, mais oui, et oui, c'est vraiment différent. Et je pense que j'ai envie d'aller vers la description, pas cette description à mon goût. Ah ouais. Et qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, et là j'ai écrit 3 trucs qui vont être dans un même bloc. 3 trucs dans un même bloc? Oui, c'est 3 petits textes en fait qui vont être dans le même, la même couleur. Mais je sais pas ce que ça va être en fait, je sais pas trop. On va voir. En tout cas, là, ça je les ai mis sur l'ordi. Et du coup, il y a ces 2 trucs là. Et après, il y a deux histoires que je voudrais raconter. Mais j'ai tout dans la tête, il faut que ça sorte. Mais voilà, il faut que je prenne le temps parce que ben. C'est beaucoup de temps à écrire. Oui. C'est plus long qu'une chanson. C'est plus long et puis surtout, il faut vraiment s'y mettre et mettre le portable très loin de moi. Ouais. Tout ce qui freine à la création. Ouais. Mais par contre, ce qui est trop bien, c'est que là, j'ai travaillé sur mon développement personnel et vraiment l'écriture, l'art, le partage est vraiment au centre. Donc c'est pour ça aussi que j'arrête les cours, c'est pour vraiment travailler que sur ma création. Ah ouais. Et donc ouais, je pense que je vais... Parce que là, tu as plusieurs médiums arrête. Parce que là, tu as plusieurs médiums que tu veux utiliser. Oui, ouais. Alors ça explose au niveau créatif. Ouais, là j'ai vraiment envie de tout sortir, tout faire, quoi. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Faut prendre le temps, ouais. Et c'est pour ça aussi que je me suis rendu compte que... j'arrêtais jamais, tu vois, je faisais toujours des concerts, des trucs, en fait, tous les mois, tout le temps, pardon, désolée. Et tout le temps. Et en fait, là, je crois que je vais arrêter, tu vois. C'était un Diabolo citron, j'avais pensé. C'est à quoi? C'est de la grenadine? Non, bah allez-y. Vous êtes sûr? Oui, on va changer. Non, vous inquiétez pas, j'ai plein de citrons à la maison. Il n'y a pas de soucis, merci. C'est juste moi qui suis fan du citron. Non. C'est vrai que c'est rafraîchissant, le citron. C'est comme un grain de sable dans les rouages fragiles, mais pas docile à ne rien dire. J'ai disparu. rue. Entre les lignes, je m'étais perdu comme un grain de sable. Dans les rouages, ça grince, ça fout la rage. À ne rien dire, j'ai disparu. Entre les lignes, je m'étais perdu. Laissez-moi danser, laisse-moi briller. J'ai besoin d'un cocktail pour retrouver l'essentiel. Laissez-moi danser, laisse-moi briller. J'ai besoin d'un Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.